Votre mission dans la courte échelle, si vous l'acceptez. Votre mission dans la courte échelle, si vous l'acceptez. Et de faire écouter à vos auditeurs des artistes indépendants talentueux. Paparata, mon pote. C'est parti pour un nouveau numéro de La Courte Échelle. Bienvenue à toutes et à tous. Nous allons débuter sans plus tarder cette émission, car aujourd'hui le programme est assez chargé par un garçon que vous connaissez bien. Il s'appelle André Varin. Il a sorti un titre qui s'appelle Les Jardins du Souvenir. C'est la nouveauté musicale du jour, André Varin. Le jardin de l'enfance, c'est l'immobilité du temps. La douce voix d'une mère qui endort en chantant. La peur du noir et des grands loups méchants. Les bras d'un père qui enlace rassurant. Le jardin de la jeunesse, ce sont les premiers pas du temps. Délicieuse allégresse, infinie insouciance. Premier regard d'un prince charmant. Premier baiser, premier pas de danse. Parmi instant de bonheur dans les jardins du souvenir. Le jardin de la vie, c'est la course contre le temps. Des peines, des plaisirs, des croisées de chemin, des rêves d'avenir, hélas, toujours incertains. Parmi les pierres et les fleurs, il fait bon revenir. Un instant de bonheur dans les jardins du souvenir. Débordant de bonheur d'avoir semé au passage un jardin tout en fleurs, légué en héritage. Dans le jardin de la vieillesse, le temps devient fardeau. Dernier mot de sagesse avant l'éternel repos. Parmi les pierres et les fleurs, il fait bon revenir. Un instant de bonheur dans les jardins. Et puisque nous sommes encore au printemps, je pense que ça a inspiré nos artistes dans cette courte échelle, puisque voici une nouveauté, Christophe Lorient, Notre Jardin Secret. Le titre est sorti le 6 mai dernier. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Quelque part où personne n'irait. et si on marchait vers cet horizon qui nous plaît, pas besoin d'aller sur la lune, un peu d'herbe au milieu des dunes, là sera notre jardin secret. Un petit îlot dans la mer, un grain de sable, un souffle d'air, un brin de soleil pour nous plaire. Voilà, on y est. Ce n'est pas la lune et c'est parfait. Voilà, on y est. Dans notre petit jardin secret, le soleil vient briser la brume. On perçoit les vagues et l'écume qui se déposent jusque dans les terres. Un vent doux léger nous caresse, il nous étreint et puis nous berce, toi et moi en secret. On y resterait jusqu'au crépuscule ou à jamais. On y resterait rien que toi et moi à jamais, à jamais. À jamais. À jamais. À jamais. Ina Fortzmann est finlandaise. La voici avec A Don't Lose Today. La courte échelle. Now Adelina est une artiste aux multiples facettes. Elle est chanteuse et comédienne. Elle écrit et compose ses chansons dans lesquelles elle nous livre avec franchise et autodérision son regard sur la société, ses questionnements, ses doutes et ses envies. Elle nous chante le démon du clavier. Courte échelle. Chaque semaine, des talents à découvrir. Ouais, yes! Voici le nouveau titre de Isaora et Gina Daffiniam. Tout est possible. Je suis pas si fragile, arrête de me dire, reste tranquille. J'ai la tête pleine de folie. Je suis un être indocile, même si ce n'est pas facile. Laisse-moi choisir ma vie. Bapalaya, ha ha ha, bapalaya. Bapalaya, ha ha ha, bapalaya. Quand on veut, tout est possible. Je veux rire comme je respire, comme ceux qui m'ont souri. Quand on veut, tout est possible. Je décide. Tranquille, arrête de me dire, reste immobile. Le monde est plein de magie. Je veux croire en mon destin, pouvoir suivre mon chemin, ma réalité, ma fantaisie. Bapalaya, ha ha ha, bapalaya. Bapalaya, ha ha ha, bapalaya. Quand on veut, tout est possible. Je veux rire comme je respire, ceux qui m'ont souri. Quand on veut, tout est possible. Je décide le bonheur. La liberté me fait pas peur. montagnes, combat les vents, ouragan, explorer océan. Tout est imprévisible, on est invincible. Wale di pegul unegel, wadunu yarangal. Bapalaya, ah ah ah, bapalaya. Bapalaya, ah ah ah, bapalaya. Quand on veut, tout est possible, je veux rire comme je respire. Qui vont sourire. Quand on veut, tout est possible. Je dessine le bonheur. La liberté me fait pas peur. Issu d'une famille de musiciens, Joemi est un chanteur, un multi-instrumentiste. Il joue de la batterie, de la guitare, de la contrebasse et du banjo. Il est aussi auteur, compositeur, interprète. Il a collaboré avec de nombreux artistes. Son dernier titre en date, le voici pour vous, puisqu'il faut se lever. La courte échelle. Puisqu'il faut se lever, choisissons le bon pied. Profitons de la journée au risque de finir trop bronzé. Pour vaincre la chaleur, une coupe de micro dans le cooler. On passe du quai à l'eau, à tour de bateau, on se fait des peurs. On nous appelle les oiseaux moqueurs. Quand on dit, on va se coucher de bonheur. Ensemble au bord du feu, on fait chanter la guitare de Jérémy. On a toute la nuit pour vivre le prochain hit country. Pour taquiner le doré. Hier un gars de parole a dit aux enfants qu'il nous ramènerait souper. Plage, bikini, volleyball, chocolat ou tiki bar. Les femmes feel alright. Un vrai tequila sunrise. On nous appelle des oiseaux moqueurs. Quand on dit on va se coucher de bonheur. Chanter la guitare de Jérémy. On a toute la nuit pour vivre le prochain hit country. Prochain hit country. Joan Rich est à l'accordéon, à la voix et compose également. Bertrand Allom est à la basse. Jérôme Roudot est à la batterie. Et ça forme le Joan Rich Trio. Les voici avec leur reprise de Diego. À leur sauce, bien évidemment. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Le rendez-vous des artistes indépendants. Thank you. Kat Dion est autrice, compositrice et interprète. Elle est originaire du Québec. Elle compose depuis l'âge de 14 ans. Elle chante depuis l'âge de 6 ans. Sa formation musicale est en grande partie autodidacte. Elle nous propose d'écouter son nouveau titre, Miroir. La courte échelle. Je t'attends tous les soirs, tu reviens trop tard au fond, au fond. Y a rien à voir avec la belle histoire que tu vends, tu vends. Le titre qui arrive à présent sera sans doute, peut-être le tube de l'été. Il est chanté par Angelino, ça s'appelle You Made Me Do et le titre est ensoleillé. Oh, La courte échelle. Les hôtesses d'Hilaire, c'est Serge Brideau à la voix, Mico Roy à la guitare, à la prise de son, au mixage et à la voix, Léandre Bourgeois au clavier et à la voix également, Maxence Cornier à la batterie, à la voix, Rémi Arsenault à la basse et à la voix également. Et les voici avec Inconfortable. Je me promène sans sifflement, sans commentaire désobligeant. Je me promène dans la rue anonymement. Je me promène dans la rue le torse nu avec mes yeux poilus qui bougent, qui bougent, qui bougent sans scandale. Sans scandale. Sans scandale. Sans scandale. Il y a une ligne imaginaire dans notre société. Choisir un titre de Cabela and Smith n'est pas chose aisée, tant leur production est importante. Voici One and Only First. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. I fell in love with you. Un autre groupe à découvrir dans la courte échelle du jour, The Western Country Band, The Song For You. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. The night has come, spotlights are on. I scan the crowd to find you. Suddenly, I can see you smile at me from the seventh row. Up on the stage, I'm lifted high up to cloud nine. It's not sweet, it's not soft, but it's true. It's a kind of love song written just for you. It rots and rolls just like you. Another day is done, we're staying home. Precious time for you and me. A decent meal, a glass or two. Our cozy couch, movies on TV. We cuddle up, you lift me high up to cloud nine. Still can't believe that you're mine. Holding your hand, I will love deep and true. There's only one thing that I can do. I sing a song for you. It's not sweet, it's not soft, but it's true. It's a kind of love song written just for you. It drops and rolls just like you. Song for you. It's not sweet, it's not soft, but it's true. It's a kind of love song written just for you. It drops and rolls just like you. I sing a song for you. I sing a song for you. It's not sweet, it's not soft, but it's true. It's a kind of love song written just for you. It drops and rolls just like you. Rick et les bons moments, c'est le défi que s'est lancé le réalisateur et multi-instrumentiste Eric Blanchard, dit Rick, pour faire son entrée dans la jeune cinquantaine après 25 ans d'enregistrement et de travail sur différents projets avec de nombreux artistes de la scène musicale canadienne. La courte échelle. Elle passe ses journées sur son paddleboard. Les jours ensoleillés sur son paddleboard. Le dessus du passé sur son paddleboard. Elle aime s'échapper sur son paddleboard. Les yeux illuminés sur son paddleboard. Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Le rendez-vous des artistes indépendants. Encore une nouveauté dans la Courte Échelle du jour, le nouveau Robin Bennett avec The Music. Regardez le côté positif de chaque situation que nous vivons, et eh bien il convient pour les événements qui ont démarré depuis mars 2020 de regarder de la même façon tout cela. Ça a permis à beaucoup d'entre nous de démarrer une aventure artistique, et c'est le cas pour Sylvie Delgar avec notamment Volcan. Le rendez-vous des artistes indépendants. Je me transforme en volcan, fusion. confusion et jaillissement, lave emportant mes peurs, mon état d'âme incandescent, assurément. Il est difficile d'être soi-même, cela reste un choix, non sans problème, une faculté de s'en sortir indemne. Il est si facile de faire semblant, un sourire derrière son paravent, pour maquiller sa peine, fuir ses tourments. Je me transforme en volcan, explosion de sentiments, en un bouquet de couleurs qui irise mon firmament. Je me transforme en volcan, fusion et jaillissement, lave emportant mes peurs, mon état d'âme incandescent, assurément. Regarder à travers sa lorgnette est un passe-temps des troubles faits au coin de leur triste vie en cachette. Mais toi, observe avec ton cœur, pars en défendant ton bonheur sur le chemin des épines et des rancœurs. Mon esprit dégaine la vigilance, sur mon cœur ricoche la médisance. La foi est mon étendard qui frise l'indécence. Je me transforme en volcan, explosion de sentiments, en un bouquet de couleurs qui irise mon firmament. Je vous propose de découvrir ensemble le groupe Tep 5 avec Happy. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Huh. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you wanna do. Here come bad news, talking this and that. Yeah. Give me all you got and don't hold it back. Yeah. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. Yeah. No offense to you, don't I waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you wanna do. Come on. Happy. Bring it down, Kenner. Happy. Bring it down, my level too high. Happy. To bring it down, Kenner. Happy. Bring it down, let me tell you now. Happy. Bring it down, Kenner. Happy. Bring it down. Level too high happy, to bring happy, me down. Happy, can I happy, bring happy, me down? Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you wanna do. Because I'm happy. Clap along. Like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is. C'est avec Sandrine Saint-Laurent qui croque tendrement et malicieusement dans la réalité pour y faire de l'espace ou déposer ses mots dans un folk alternatif solaire et délicat que nous allons terminer cette émission avec « Je cours plus vite que toi ». La courte échelle. Pourquoi tu nous fais vivre ça? J'avais pas peur, mais là les taux se resserrent encore et encore. J'ai vu tes yeux, je croyais qu'ils me voyaient aussi. J'ai vu ta peau, elle me brûlait et c'était beau. Et je cours plus vite que toi. Une fois coude à coude, on se prend dans nos bras. Est-ce que tu fais la cour à d'autres que moi? On se tue tour à tour et on s'aime tout bas. Dis-moi, est-ce que je cours plus vite que toi? Une fois coude à coude, on se prend dans nos bras. Est-ce que tu fais la cour à d'autres que moi? On se tue tour. Commence à croire que tu aimes nous jouer des tours en faisant comme si t'avais jamais été là. Je vois plus tes yeux, je crois qu'ils se sont perdus aussi. Nos corps frileux se laissent dériver, anéantis. On que je cours plus vite que toi. Une fois coude à coude, on se prend dans nos bras. Est-ce que tu fais la cour à d'autres que moi? On se tue tour à tour et on s'aime tout bas. Dis-moi, est-ce que je cours plus vite que toi? Une fois coude à coude, on se prend dans nos bras. Est-ce que tu fais la cour à d'autres que moi? On se tue tour. C'est tout pour aujourd'hui, la courte échelle s'arrête ici. On se retrouve la semaine prochaine si vous le voulez bien. J'espère que quel que soit votre style de prédilection, vous avez trouvé dans l'émission du jour encore de quoi vous plaire. Soyez heureux et à très bientôt. Votre instant d'évasion. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants.